Audiomatic. Thank you. C'est au trio montréalais Les Limaces que revenait l'honneur d'inaugurer la transmission 060 d'Audiomatique avec leur composition Inner Shine de leur album intitulé Smoked Beat. La musique électronique est aussi une histoire de rencontre. Les électronistes se réunissent dans le studio de C'est Fou tous les mercredis de 17h à 18h afin de célébrer cet art musical synthétique en compagnie d'auditeurs assidus ou seulement de passage. Ce que font les électronistes, c'est de partager leurs découvertes pour le plaisir de l'écoute, tout simplement. Comme la composition que nous allons entendre à l'instant, issue aussi d'une rencontre entre les artistes Dave Ogilvy, Trent Reznor et Phil Western. Cette pièce, composée pour le projet Jackalope, se nomme « Bad Dream ». Time for the crying to stop, 'cause I love you. La musique de la formation française Celluloid permettait de conclure cette séquence musicale de deux pièces. Nous écoutions Translation of Love, pièce tirée du troisième album de Celluloid intitulé Passion and Excitement, paru en 2007. Avant cela, c'était le projet Jackalope, fondé par l'artiste canadien David Ogilvy, lui qui a participé à la formation Skinny Poppy dans les années 80. Sur la pièce Bad Dream, il est accompagné par deux acolytes de renom, soit Phil Western et Trent Reznor. Cette pièce paraît sur le premier album de Jackalope intitulé In Dreams et sorti en 2004. La prochaine artiste à s'exécuter à Audiomatique, vous l'avez peut-être connue comme faisant partie de groupes comme Crystal Stilts, Dum Dum Girls, de Vivian Girls ou Beverly, mais c'est ici en tant qu'elle-même qu'elle nous offre la chanson-titre de son album Interstellar. Voici donc Frankie Rose. Sous-titrage Société Radio-Canada. vous êtes assez fait. 89. Avant cette pause publicitaire, nous entendions à Audiomatic l'artiste danois Thomas Barfod, qui est connu pour ses collaborations à plusieurs projets, dont le groupe Who Made Who. Ici, il nous offrait une pièce tirée de son album solo, Salt and Sea, soit la chanson Don't Understand, sur laquelle on peut entendre la voix de Jeppe Schellberg, également membre de Who Made Who. Précédemment à Thomas Barfod, il s'agissait du groupe Niaz, formé du producteur américain Carmen Rizzo, de la chanteuse Azam Ali et de Loga Ramin Torkian, tous deux originaires d'Iran et qui sont maintenant basés à Montréal. Ils nous offraient la chanson « Sosin » de leur album « Sumud ». Et en début de séquence, Frankie Rose nous interprétait la chanson titre de son deuxième album « Interstellar ». On poursuit avec Cabaret Voltaire, un groupe britannique formé en 1973 et qui a eu une influence majeure sur la musique électronique. Le son de Cabaret Voltaire a beaucoup évolué au fil des ans, allant de la manipulation sonore expérimentale à la musique house, en passant par les influences punk et même la musique funk. La pièce que nous allons entendre trouve Cabaret Voltaire dans sa phase techno du milieu des années 90. Voici Delmas 19. Thank you.

Nous écoutions à l'instant le projet canadien Prayer Tower, duquel nous entendions la pièce Electric State, tirée de son seul album Halo, paru en 1993. Avant Prayer Tower, vous aurez peut-être reconnu les sonorités de la pièce Papua New Guinea de Future Sound of London. Le projet Oil nous offrait sa version de cette pièce bien connue sous le titre de Oil Funk Dub Mix. Il est possible de trouver cette version sur l'album double Accelerator Deluxe, qui regroupe le premier album de Future Sound of London, soit Accelerator, ainsi qu'une série de versions alternatives de la pièce Papua New Guinea. Et c'est Cabaret Voltaire qui ouvrait la séquence musicale avec sa pièce Delmas 19, tirée de l'album Plasticity, paru en 1992. Nous devons bientôt tirer notre révérence car le temps avance et est en quelque sorte impardonnable. Mais nous prendrons les quelques minutes qu'il nous reste pour vous faire entendre la chanson Liar du groupe américain Mr. Meeble. Cette pièce est tirée du mini-album Nostalgic for Now. Les électronistes espèrent vous rencontrer mercredi prochain dès 17h pour la transmission 061 d'Audiomatic. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou afin d'accéder à toutes nos anciennes transmissions. Sachez également que l'émission de la semaine courante est rediffusée les samedis à 20h. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à nos propositions musicales et nous vous quittons avec une petite dernière, soit la chanson « Liar » de Mr. Meeble. D'ici à la semaine prochaine, gardez vos oreilles aux aguets et bonne découverte. Winding roads, I follow blindly.